La mienne eût été 100 fois plus charmante si j'avais été moins bête, et si j'en avais su mieux jouir. » Madame de Varens n'avait emmené qu'Annet avec elle. Elle avait laissé Merceret, sa femme de chambre dont j'ai parlé. Je la trouvais occupant encore l'appartement de sa maîtresse. Mademoiselle Merceret était une fille un peu plus âgée que moi, non pas jolie, mais assez agréable. Une bonne fribourgeoise sans malice, et à qui je n'ai connu d'autre défaut que d'être quelquefois un peu mutine avec sa maîtresse. Je l'allais voir assez souvent. C'était une ancienne connaissance, et sa vue m'en rappelait une plus chère, qui me la faisait aimer. Elle avait plusieurs amies, entre autres une mademoiselle Giraud, genevoise, qui, pour mes péchés, s'avisa de prendre du goût pour moi. Elle pressait toujours Merceret de m'amener chez elle. Je m'y laissais mener parce que j'aimais assez Merceret et qu'il y avait là d'autres jeunes personnes que je voyais volontiers. Pour mademoiselle Giraud, qui me faisait toutes sortes d'agaceries, on ne peut rien ajouter à l'aversion que j'avais pour elle. Quand elle approchait de mon visage son museau sec et noir, barbouillé de tabac d'Espagne, j'avais peine à m'abstenir d'y cracher. Mais je prenais patience. À cela près, je me plaisais fort au milieu de toutes ces filles, et soit pour faire leur cour à mademoiselle Giraud, soit pour moi-même, toutes me fêtaient à l'envie. Je ne voyais à tout cela que de l'amitié. J'ai pensé depuis qu'il n'eût tenu qu'à moi d'y voir davantage. Mais je ne m'en avisais pas, je n'y pensais pas. D'ailleurs, des couturières, des filles de chambre, de petites marchandes ne me tentaient guère. Il me fallait des demoiselles. Chacun a ses fantaisies, ça a toujours été la mienne. Et je ne pense pas comme Horace sur ce point-là. Ce n'est pourtant pas du tout la vanité de l'état et du rang qui m'attire. C'est un teint mieux conservé, de plus belles mains, une parure plus gracieuse, un air de délicatesse et de propreté sur toute la personne, plus de goût dans la manière de se mettre et de s'exprimer, une robe plus fine et mieux faite, une chaussure plus mignonne, des rubans, de la dentelle, des cheveux mieux ajustés. Je préférerais toujours la moins jolie, ayant plus de tout cela. Je trouve moi-même cette préférence très ridicule, mais mon cœur la donne malgré moi. Eh bien, cet avantage se présentait encore, et il ne tint encore qu'à moi d'en profiter. Que j'aime à tomber de temps en temps sur les moments agréables de ma jeunesse. Ils m'étaient si doux. Ils ont été si courts, si rares, et je les ai goûtés à si bon marché. Ah, leur seul souvenir rend encore à mon cœur une volupté pure, dont j'ai besoin pour animer mon courage et soutenir les ennuis du reste de mes ans. L'aurore, un matin, me parut si belle que, m'étant habillée précipitamment, je me hâtai de gagner la campagne pour voir lever le soleil. Je goûtais ce plaisir dans tout son charme. C'était la semaine après la Saint-Jean. La terre, dans sa plus grande parure, était couverte d'herbes et de fleurs. Les rossignols, presque à la fin de leur ramage, semblaient se plaire à le renforcer. Tous les oiseaux, faisant en concert leurs adieux au printemps, chantaient la naissance d'un beau jour d'été, d'un de ces jours qu'on ne voit plus à mon âge et qu'on n'a jamais vu dans le triste sol que j'habite aujourd'hui. Je m'étais insensiblement éloigné de la ville. La chaleur augmentait, et je me promenais sous des ombrages, dans un vallon le long d'un ruisseau. J'entends derrière moi des pas de chevaux et des voix de filles, qui semblaient embarrassées, mais qui n'en riaient pas de moins bon cœur. Je me retourne, on m'appelle par mon nom, j'approche. Je trouve deux jeunes personnes de ma connaissance, mademoiselle de Graffenried et mademoiselle Gallet, qui, n'étant pas d'excellentes cavalières, ne savaient comment forcer leurs chevaux à passer le ruisseau.

j'y consentis, regardant ce voyage comme une affaire de 8 jours tout au plus. La Giraud, qui ne pensait pas de même, arrangea tout. Il fallut bien avouer l'état de mes finances, on y pourvut. La Merceret se chargea de me défrayer. Et pour regagner d'un côté ce qu'elle dépensait de l'autre, à ma prière, on décida qu'elle enverrait devant son petit bagage et que nous irions à pied, à petite journée. Ainsi fut fait. Je suis fâchée de faire tant de filles amoureuses de moi, mais comme il n'y a pas de quoi être bien vain du parti que j'ai tiré de toutes ces amours-là, je crois pouvoir dire la vérité sans scrupule. La Merceret, plus jeune et moins déniaisée que la Giraud, ne m'a jamais fait des agaceries aussi vives. Mais elle imitait mes tons, mes accents, redisait mes mots, avait pour moi les attentions que j'aurais dû avoir pour elle, et prenait toujours grand soin, comme elle était fort peureuse, que nous couchassions dans la même chambre. Identité qui se borne rarement là dans un voyage entre un garçon de 20 ans et une fille de 25. Elle s'y borna pourtant cette fois. Ma simplicité fut telle que, quoique la Merceret ne fût pas désagréable, il ne me vint pas même à l'esprit durant tout le voyage. Je ne dis pas la moindre tentation galante, mais même la moindre idée qui s'y rapporta. Et quand cette idée me serait venue, j'étais trop sot pour en savoir profiter. Je n'imaginais pas comment une fille et un garçon parvenaient à coucher ensemble. Je croyais qu'il fallait des siècles pour préparer ce terrible arrangement. Si la pauvre Merceret, en me défrayant, comptait sur quelque équivalent, elle en fut la dupe. Et nous arrivâmes à Fribourg exactement comme nous étions partis d'Annecy. En passant à Genève, je n'allais voir personne. Mais je fus prêt à me trouver mal sur les ponts. Jamais je n'ai vu les murs de cette heureuse ville, jamais je n'y suis entré sans sentir une certaine défaillance de cœur qui venait d'un excès d'attendrissement. En même temps que la noble image de la liberté m'élevait l'âme, celle de l'égalité, de l'union, de la douceur des mœurs, me touchait jusqu'aux larmes et m'inspirait un vif regret d'avoir perdu tous ces biens. Dans quelle erreur j'étais! Mais quelle était naturelle! Je croyais voir tout cela dans ma patrie, parce que je le portais dans mon cœur. Il fallait passer à Nyon. Passer sans voir mon bon père. Si j'avais eu ce courage, j'en serais mort de regret. Je laissai la Merceret à l'auberge, et je l'allai voir à tout risque. Et que j'avais tort de le craindre. Son âme, à mon abord, s'ouvrit au sentiment paternel dont elle était pleine. Que de pleurs nous versâmes en nous embrassant. Il crut d'abord que je revenais à lui. Je lui fis mon histoire et je lui dis ma résolution. Il la combattit faiblement. Il me dit voir les dangers auxquels je m'exposais, me dit que les plus courtes folies étaient les meilleures. Du reste, il n'eut pas même la tentation de me retenir de force. Et en cela, je trouve qu'il eut raison. Mais il est certain qu'il ne fit pas, pour me ramener, tout ce qu'il aurait pu faire, soit qu'après le pas que j'avais fait, il jugea lui-même que je n'en devais pas revenir, soit qu'il fût embarrassé peut-être à savoir ce qu'à mon âge il pourrait faire de moi. J'ai su depuis qu'il eut de ma compagne de voyage une opinion bien injuste et bien éloignée de la vérité, mais du reste, assez naturel. Ma belle-mère, bonne femme, un peu mielleuse, fit semblant de vouloir me retenir à souper. Je ne restai point, mais je leur dis que je comptais m'arrêter avec eux plus longtemps au retour, et je leur laissai en dépôt mon petit paquet que j'avais fait venir par le bateau et dont j'étais embarrassée. Le lendemain, je partis de bon matin, bien content d'avoir vu mon père et d'avoir osé faire mon devoir.